Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1939, l'errance des passagers juifs du Saint-Louis. Le 13 mai 1939, un luxueux transatlantique allemand, le Saint-Louis, quitte le port d'Hambourg en direction de la Havane, à Cuba. Mais pour le millier de passagers à bord, presque tous juifs allemands, il ne s'agit en rien d'un voyage d'agrément. Ils quittent leur patrie où ils sont devenus indésirables, pour un voyage vers l'inconnu, dans un mélange d'inquiétude et d'espoir. Car rien, ils en sont sûrs, ne pourra être pire que l'enfer qu'ils laissent derrière eux. Pour toujours, du moins l'espèrent-ils. Depuis l'avènement d'Hitler en 1933 jusqu'à 1937, 150 000 juifs ont déjà quitté l'Allemagne, que les nazis souhaitent rendre « Judenrein », littéralement « nettoyé de ces juifs ». Mais depuis 1938, devant l'escalade des persécutions et de la terreur, surtout après la nuit de cristal, les juifs allemands n'ont d'autre choix que d'émigrer. Mais à leur arrivée à la Havane, malgré leurs papiers en règle, malgré l'héroïsme du capitaine Schröder, les passagers du Saint-Louis n'auront pas le droit de débarquer. À Cuba, aux États-Unis et dans le monde entier, ces ex-citoyens allemands sont devenus des migrants, comme aujourd'hui indésirables. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Catherine Nico, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'Université de Reims. Vous travaillez principalement sur le sionisme en France, les Juifs et les relations internationales dans la première moitié du XXe siècle. Alors, le Saint-Louis n'est pas le seul navire, hélas, à avoir transporté les Juifs fuyant l'Allemagne nazie. Mais pourquoi son histoire est-elle la plus connue ? Je pense que c'est d'abord le nombre. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres bateaux, et ils étaient assez nombreux, beaucoup plus que ce qu'on croit. On les a oubliés. Hein. D'ailleurs, il y en a même deux autres en même temps que le Saint-Louis, qui font le même voyage. Cuba, oui. Le Flandre et le Orduna. C'est donc la masse des passagers. Jamais aucun autre bateau transportant des réfugiés n'a atteint le chiffre de 900 et quelques passagers, pour la plupart juifs, effectivement. Et puis, il y a la médiatisation. Il y a une médiatisation qui est étonnante, c'est pour ça d'ailleurs que l'affaire a été réglée d'une certaine façon, sans que les passagers aient à retourner en Allemagne. Pas très bien non plus, hein, mais vraiment, toute la presse, les radios et les presses surtout qui restent plus facilement consultables aux États-Unis, en Europe, ont couvert l'événement. Parfois, ils ont même envoyé des correspondants dans les ports où le bateau a séjourné. Voyez, donc je crois que c'est vraiment une affaire de médiatisation. Pour bien comprendre les enjeux de l'histoire, donc que je vais raconter dans quelques minutes, pourriez-vous, Catherine Nico, nous rappeler quelle est la situation des Juifs en Allemagne au printemps 1939 ? La situation des Juifs est véritablement devenue épouvantable. Hein. Il n'y a aucun doute. Alors, vous avez rappelé qu'il y a déjà 150 000 Juifs allemands qui ont pris la poudre d'escampette, si j'ose dire, entre 33 et 37. Ce qui représente quand même par rapport à une communauté qu'on estime à 550 000, 600 000 avec les demi-Juifs, quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais ces flux se sont passés de façon relativement, disons, absorbable ailleurs. C'est au printemps 33, première vague, 35, les lois de Nuremberg, deuxième vague. Et puis, les lois de Nuremberg, il faut rappeler elles empêchent les Juifs de vivre. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des citoyens allemands de plein droit, ils sont des sujets. Ils sont des citoyens de seconde zone qui n'ont aucun droit, hein. Enfin aucun droit vraiment complet. Il y a aussi des clauses du genre pas de mariage mixte, pas de contact avec les non-juifs, les ariens, on ne peut pas employer de domestiques. Enfin, ils sont ostracisés, voilà, véritablement. Alors, en 38, les choses se précipitent parce que il y a d'abord l'Anschluss, il faut le rappeler. En mars 38, le Reich absorbe 200 000 juifs de plus. Et ça, pour les dirigeants du Reich, c'est quasiment un problème, un gros problème, parce qu'en fait, ils sont loin d'avoir obtenu la solution qu'ils désiraient, c'est-à-dire l'exil de tous ces juifs qui s'en aillent ailleurs. Et puis, il y a surtout la nuit de cristal, en novembre 38, une nuit d'horreur. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Voilà, c'est un pogrom, il n'y a pas d'autre mot, qui se traduit par le sac de commerce, de synagogue, par centaines de morts, car il y a eu des morts, peut-être même 200, quelque chose comme ça, parmi les juifs, des suicides, enfin... Dans toute vraiment, l'Allemagne. Ah, voilà, un choc terrible. Oui, il y a aussi, enfin, il y a des juifs qui sont emprisonnés à ce moment-là, alors, dans des camps de concentration. Ils sont après emprisonnés et libérés à la condition qu'ils partent dans les 15 jours. Et puis, en 38 aussi, c'est le début de ce qu'on appelle l'arianisation. C'est-à-dire que les Juifs, jusque-là, ils avaient été, ceux qui étaient dans la fonction publique ne pouvaient plus travailler, etc. Mais ceux qui étaient dans les affaires, si vous voulez, pouvaient encore conduire des affaires. Mais à partir de l'arianisation, c'est-à-dire de la nationalisation, si vous voulez, abusive, de leur commerce, de leurs entreprises, les moyens d'existence, vraiment, disparaissent, en quelque sorte. Et les Juifs allemands se trouvent dans une situation un peu absurde. C'est-à-dire qu'ils sont, d'un côté, ils sont poussés à l'exil par les autorités nazies, et d'un autre côté, on fait tout pour leur mettre les bâtons dans les roues, on ne facilite pas leur départ. Oui, oui, il y a une irrationalité qui est liée à l'antisémitisme farouche de ces nazis. Quand vous dites qu'ils les poussent, parfois c'est physiquement. Hein, oui, on sait qu'il y a, physique, on sait, non, mais on sait qu'il y a des SS qui poussent aux frontières pour que des groupes passent illégalement. Et en même temps, effectivement, les nazis multiplient les barrières en les dépouillant complètement. Donc, ils n'ont pas de moyens d'existence. Donc, les États qui sont susceptibles de les accueillir n'ont pas vraiment envie de le faire. Hein. Et surtout, les privent aussi même parfois de leur nationalité puisqu'ils peuvent, ils pourront pas revenir. Voilà. Catherine Nicot, je propose qu'on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1939, l'errance des passagers juifs du Saint-Louis, un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Hambourg, le 13 mai 1939. Eh bien, ça y est, on est parti. Quel drôle d'embarquement. Voir ces hommes et ces femmes monter à bord avec toute leur vie rassemblée dans des malles. Quand l'orchestre du port a commencé à jouer, certains se sont mis à pleurer. C'est notre faute. Nous n'avons pas pensé aux paroles de la chanson « Aujourd'hui, je dois quitter ma ville ». Oui. Aujourd'hui, tous ces gens doivent quitter leur pays sans savoir s'ils le reverront un jour. Leur seul crime, être né juif dans l'Allemagne d'Hitler. Pour l'instant, ils sont sauvés. Mais combien n'ont pas pu acheter de billets? Combien de familles ont été séparées? J'ai donné ordre à l'équipage de les traiter avec le plus de dignité possible. Je veillerai personnellement à ce que tout le monde respecte cette consigne. Sur Terre, les nazis font la loi tant qu'ils veulent. Mais sur mon bateau, je suis seul maître à bord. Le 13 mai 1939, le Saint-Louis quitte le port de Hambourg. À sa tête, le capitaine Gustav Schröder. Il n'est pas un capitaine classique. Cet ancien officier de la guerre 14-18 déteste les nazis et éprouve de la compassion pour ses passagers. Depuis le début de l'année 1938, l'émigration des Juifs allemands s'est intensifiée suite à une répression de plus en plus féroce. La terrible nuit de cristal du 10 novembre a semé la terreur chez les Juifs qui cherchent à quitter l'Allemagne par tous les moyens. Le Saint-Louis, surnommé la Rolls-Royce des océans, est un paquebot de luxe, un des fleurons de la compagnie allemande, la Hapag. Sa destination, Cuba, d'où les passagers doivent rallier les États-Unis. Tous sont en possession de papiers en règle, souvent obtenus au prix de pots de vin exorbitants. Mais malgré ce lourd contexte, une ambiance détendue s'installe peu à peu à bord du bateau. Le beau temps et les attentions du personnel parviennent à estomper les terribles souvenirs des derniers mois. Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman, je peux aller me baigner ? Mon chéri, je t'ai dit non. Mais maman, il fait chaud et tout le monde se baigne. Ethan, tu ne sais pas nager et la piscine est profonde. Je ne veux pas que tu y ailles. Mais maman, il faut que j'apprenne à nager avant qu'on aille en Amérique. Comment je vais faire là-bas ? Tu prendras des leçons et quand tu sauras nager, tu pourras te baigner. Mais d'ici là, tu ne vas pas dans la piscine. C'est pas juste. Arrête de faire le bébé, Ethan. Tu embêtes tout le monde. Ne vous inquiétez pas, chère madame. Votre petit garçon ne me dérange pas du tout. Oh, puis-je me permettre de vous offrir des glaces à tous les deux? C'est très gentil, monsieur, mais ça va bientôt être l'heure du dîner. Oh, une glace! Bon, d'accord. Au chocolat. Ethan, tu dis d'abord merci. Garçon, une glace au chocolat. Et une glace À la framboise. Merci beaucoup, monsieur. Tiens, Ethan. C'est délicieux. Décidément, nous sommes traités comme des rois. Oui. Il paraît que nous devons ce régime de faveur au capitaine. On m'a dit que c'était un homme remarquable. Je l'ai vu sur le pont hier. Il n'a pas l'air du tout d'un marin tel qu'on se l'imagine. Il a plutôt l'air d'un professeur, avec ses lunettes rondes et ses bonnes manières. Maman, je peux aller manger ma glace là-bas avec Arthur et Ruben? Oui, tu peux y aller, mais tu ne te baignes pas, c'est compris? Oui, maman! Oh. Ethan, fais attention! Excusez-nous, en ce moment il est infernal. Son père n'a pas pu venir avec nous. Et quand il est seul avec moi, il n'en fait qu'à sa tête. Au fait, je m'appelle Eva Zilberman. Enchantée. Aaron Posner. Enchantée. Moi, j'ai laissé à Berlin mon épouse et mes deux filles. Rester seul ou partir sans ceux qu'on aime, voilà deux malheurs difficiles à départager. Comme je vous comprends. Nous n'avons trouvé que deux billets. Je voulais rester, mais mon mari m'a forcé à partir avec Ethan. Tous les jours, je me demande si c'était la bonne décision. Les femmes et les enfants d'abord. C'est ce qu'on appelle en philosophie un impératif catégorique. J'aurais tout donné pour faire de même, mais j'ai pas eu le choix. J'ai été interné à Dachau après la nuit de cristal. On ne m'a laissé sortir qu'à condition que je quitte l'Allemagne sous 14 jours. Alors, j'ai juste eu le temps de vendre un tableau de famille pour acheter un billet au marché noir. Dachau? Mon Dieu, j'ai entendu des choses terribles sur ce qui se passe là-bas. Est-ce vrai? Ce ne sont pas des choses qui se racontent facilement. Surtout à une dame. J'espère que mon mari pourra nous rejoindre le plus vite possible. Mais s'il était déporté dans un de ces camps, croyez-vous qu'il le laisserait sortir? Je n'en sais rien. Mais croyez-moi, mieux vaut qu'il quitte l'Allemagne le plus tôt possible. Moi-même, finalement, je tiens mon salut à peu de choses. Un des commandants du camp m'a épargné les mauvais traitements auxquels mes camarades ont eu droit. Je lui ai dit que j'étais professeur d'hébreu. Et pour une raison que j'ignore, ça a éveillé son intérêt. Chez les SS, l'humanité se réveille parfois de manière imprévisible. Professeur d'hébreu, c'est admirable. Moi, je ne parle que l'allemand et le yiddish. Oh, là où nous allons, l'hébreu ne me sera pas très utile. J'aurais rêvé de partir pour la Palestine. Mais les Anglais s'opposent catégoriquement à l'émigration des Juifs. Quand on pense que la Chine ou l'Australie nous accueillent plus volontiers que la terre de nos ancêtres. Oui, heureusement, il reste les États-Unis. Je suis si heureuse d'y aller, mais je ne retrouverai le sommeil que lorsque toute ma famille sera réunie là-bas. Ah, c'est le rêve de tous les passagers de ce bateau. Espérons que les côtes américaines ne soient pas un nouveau mirage. Mardi 20 mai 1939. Si le vent ne tombe pas, on devrait arriver à La Havane avec deux jours d'avance. Quel temps magnifique. Hier, un couple m'a dit en plaisantant qu'ils allaient regretter de devoir débarquer. La soirée dansante était pleine à craquer. À 2h du matin, une bonne moitié était ivre-mort. Certains ont dû se faire porter dans leur cabine. Mais peu importe. C'était un vrai bonheur de les voir tous s'amuser, retrouver enfin un peu de légèreté. Sans cette horrible croix gammée qui flotte au-dessus de nos têtes, on se croirait presque en vacances. J'aimerais voir à sa place notre drapeau, le drapeau allemand, et non ce symbole sinistre. Et cet agent de la Gestapo qui fouine partout, qui pose des questions à l'équipage, j'en suis sûr, il ne va pas tarder à me mettre des bâtons dans les roues. Oui, entrez. Deux jours plus tard, dans le bureau du capitaine Schröder. Bonjour, mon commandant. On m'a dit que vous ne buviez pas une goutte d'alcool. Je constate que c'est vrai. Et à quoi voyez-vous cela? Eh bien, lors de ma dernière visite, il y a trois jours, vous m'avez servi un verre. Et depuis, le niveau de la bouteille est resté exactement le même. Je vois que rien ne vous échappe, Herr Schandick. C'est mon métier. Mais je ne suis pas là pour surveiller la consommation d'alcool de l'équipage, rassurez-vous. À ce sujet, je reprendrai bien un peu de cet excellent bourbon. Je vous en prie, servez-vous. Merci. Non, voyez-vous, Ce qui me préoccupe, c'est un petit incident qui s'est produit sur le bateau et qui dénote un état d'esprit préoccupant. De quoi voulez-vous parler ? Vendredi soir, vous avez laissé des juifs organiser un office religieux dans la salle de loisirs, n'est-ce pas ? C'est exact. Dans le règlement de la marine, rien n'interdit aux passagers de pratiquer leur religion en mer. Au sens strict, vous avez raison et votre tolérance vous honore. Mais j'ai appris que pour les besoins de cet office, vous avez donné l'ordre de décrocher le portrait du Führer. Le rabbin en charge de l'office me l'a demandé, j'y ai consenti. Oui. Et pour quelle raison ? Ne pas exercer sa religion en face de celui qui vous persécute me paraît une demande tout à fait sensée. Ne pensez-vous pas, Herr Scheindick ? Ce n'est pas à vous de juger de ce qui est sensé ou pas. Vous êtes un citoyen allemand et vous êtes tenu d'honorer le Führer sur terre et sur mer, pas de céder aux exigences d'une poignée de juifs. Le portrait a été remis en place le lendemain matin. Je ne crois pas que le Reich ait beaucoup souffert de cette absence murale de 24 heures. Vous êtes très spirituel, commandant Schröder. Mais il n'est pas toujours recommandé de faire de l'esprit. Savez-vous ce que deviennent les opposants politiques ? Je ne fais pas de politique, Herr Scheindick. Ma mission est de mener mes passagers à bon port. Et en tant que commandant, j'ai toute latitude d'accéder aux demandes de mes passagers lorsque celles-ci me paraissent raisonnables. Il n'y a pas que ça. J'ai remarqué que votre personnel se mélange excessivement aux juifs. Vous le savez, les contacts entre juifs et ariens sont interdits. Mon personnel est là pour servir les passagers. Je ne vois pas bien comment il pourrait le faire sans rentrer en contact avec eux. Votre personnel est censé effectuer le service minimum. Il n'a pas le droit de discuter avec les passagers, d'accepter les pourboires, ni d'approcher les femmes. Est-ce bien clair, commandant ? Tout à fait clair, Herr Scheindick. Vous croyez peut-être seul maître à bord sur ce bateau, mais c'est faux. Je vous rappelle que le ministre de la Propagande, Herr Goebbels en personne, m'a missionné pour surveiller l'émigration des Juifs. Eh bien, rassurez-vous, cette immigration se passe à merveille. Alors, voilà. Nous sommes ici, voyez-vous, à 1824 milles de la côte. Si nous maintenons notre vitesse de 36 nœuds, nous devrions nous trouver demain matin à une latitude... Je ne suis pas très intéressé par votre science de marin, Schröder. Vous avez tort. Parce que si je me trompe dans mes calculs de marin, dans une semaine, vous pourriez bien avertir Herr Goebbels que nous avons débarqué au pôle Nord. Tenez. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film que vous allez passer ce soir. Mais il y a déjà un film programmé. Je sais. Mais vous allez passer celui-ci à la place. Ce sont les dernières actualités du Reich. Ce sera beaucoup plus convenable... que la comédie romantique stupide qui était prévue. Herr Scheindick, je ne comprends pas. Mes passagers ont été expulsés d'Allemagne par le régime d'Hitler. Quel est l'intérêt de leur passer un film de propagande ? Pensez-vous qu'ils vont devenir nazis en sortant de la projection ? Cette discussion commence à me fatiguer, commandant. J'ai du mal à croire que vous ayez embarqué sur ce bateau pour vous occuper de la programmation du ciné-club. Vous avez certainement une autre raison d'effectuer cette traversée. Ah oui, et quelle pourrait être cette raison ? Je l'ignore, mais vous pourriez être là pour apporter un message aux autorités cubaines, ou bien gagner les États-Unis en tant qu'agent infiltré. Oui, ou bien assassiner Roosevelt. Vous avez lu trop de romans d'espionnage, commandant. Du reste, personne ne vous demande de faire des hypothèses. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'obéir. Vous avez de la chance, je n'ai pas encore fait de rapport sur vous à ma hiérarchie. Votre sympathie répugnante pour ces juifs suffirait à elle seule à vous faire jeter en prison. Alors si vous refusez les consignes du ministre de la Propagande en personne, un télégramme de ma part et à votre retour, vous êtes expédié à Dachau. Ne l'oubliez pas. Au revoir, commandant. Le lendemain, le 23 mai, le commandant Schröder reçoit un télégramme de la compagnie l'informant que le débarquement des passagers du Saint-Louis à la Havane n'est plus garanti. Le président cubain, Fernando Brou, est en effet plongé dans une tempête politique sur fond de corruption et d'antisémitisme. L'opinion publique cubaine, en partie manipulée par des agents allemands basés sur l'île, refuse l'arrivée de réfugiés juifs. Les adversaires politiques du président s'engouffrent dans la brèche accusant les autorités d'avoir monnayé au prix fort les visas. Pour ne pas donner l'impression de soutenir la corruption, le président cubain décide d'interdire le débarquement des passagers du Saint-Louis. Le commandant Schröder choisit de ne pas en informer les passagers, espérant que la situation se débloque sur place. Le 27 mai, le Saint-Louis entre dans le port de la Havane. Quelle vue! Ces bâtiments blancs, ces cocotiers, on dirait une carte postale. Oui, c'est vrai. Pour moi qui suis né à Munich et grandi dans la forêt noire, c'est assez dépaysant. Regardez, les enfants sur la barque qui s'approchent. Ils viennent nous offrir des fruits, n'est-ce pas charmant? Je crois qu'ils veulent nous les offrir en échange de quelques pesetas. Oh, c'est bête, je n'ai rien sur moi. J'ai laissé mon porte-monnaie dans ma cabine. Bon, laissez. J'ai ce qu'il faut. Je vous conseille de faire des réserves de provisions. On n'est pas prêt de débarquer tout de suite. Pourquoi dites-vous cela, monsieur? Ça fait déjà 2 heures qu'on a jeté l'ancre et rien ne se passe. Ça n'est pas très bon signe. Ils sont sûrement en train de régler les derniers détails. J'ai vu des gardes cubains monter à bord. Ils se sont installés derrière une table avec des papiers. Et tout à l'heure, un membre de l'équipage m'a dit que nous serions bientôt appelés par nos noms. Oui, mais depuis, un militaire est monté à bord et a demandé à parler au commandant. Et tout s'est arrêté. Mais nous avons tout en règle. Papiers, visa... Oh, regardez là-bas. Des gens sont en train de parler avec un militaire. On est trop loin, je n'entends pas ce qu'il dit. Ils disent tous la même chose depuis 1 heure. Mañana. Qu'est-ce que ça veut dire? En espagnol, ça veut dire demain. Mais ici, sous les tropiques, ça peut vouloir dire... Je ne sais pas, peut-être, ou parfois jamais. Attendez. Ils ont l'air de vouloir faire une annonce. Messieurs, dames, le débarquement ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui. S'il vous plaît. Mais quand aura-t-il lieu? Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation demain matin. En attendant, nous vous prions de garder votre calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On raconte que le gouvernement cubain a changé d'avis. Mais ils ne peuvent pas changer d'avis comme ça. Il y a des lois, des conventions internationales. Conventions internationales. Le monde entier est à la botte de Hitler. La conférence d'Évian l'a bien montré. Aucun pays ne veut accueillir des réfugiés juifs. Sauf les États-Unis. C'est Roosevelt qui était à l'origine de la conférence d'Évian. Aujourd'hui, il est le seul à vouloir trouver une solution pour les juifs d'Europe. Ah oui? Bien, nous allons bien voir. On a une occasion toute trouvée pour mettre ce discours général en pratique. Si Cuba ne veut plus de nous, la Floride n'est qu'à quelques kilomètres. Oui, on voit Miami d'ici. Hier, il faisait si beau qu'on voyait les automobiles rouler le long de la mer. L'Amérique est un pays si riche. Elle ne peut pas fermer ses portes à la poignée d'individus que nous sommes. Détrompez-vous. La vie là-bas n'est pas si rose. Le pays peine à se remettre de la crise. Les entreprises licencient à la chaîne. Les Américains ont peur que les nouveaux venus leur prennent leurs emplois. Mais qu'allons-nous faire s'ils ne veulent pas de nous? Ils ne vont pas nous renvoyer en Allemagne quand même. Allons. Calmez-vous. Maintenant que nous sommes là, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ils vont bien trouver une solution. Maman, je peux aller jouer dans la salle des machines? Non, Ethan, c'est dangereux. Mais on est arrêté là, ça risque rien. Je t'ai dit non. Ça ne sert à rien de rester là. Rentrez dans votre cabine avec Ethan. Je viendrai vous chercher s'il y a du nouveau. Vous avez raison, Aaron. Merci. Allez, viens. Monsieur, vous auriez pu être moins abrupt. Je la prépare au pire. Comme ça, on n'est jamais déçu. Le pire, j'en reviens. Alors croyez-moi, il ne sert à rien de s'y préparer. Moi aussi, j'en reviens. De Buchenwald. Ah. Moi, de Dachau. Aaron Posner. Enchanté. De même. Max le veut. Comment avez-vous été libéré ? Contre l'achat de mon billet à bord de ce bateau. Et vous? J'avais une bijouterie à Francfort. Je l'ai cédée pour un prix dérisoire et ils m'ont laissé sortir. D'une certaine manière, je comprends les Cubains. Qu'avons-nous à leur apporter? Les nazis nous ont pris tous nos biens. Ici, ils ont à peine de quoi se nourrir et ils voient une horde de réfugiés débarquer. Qui pourrait bien vouloir de nous? Je ne suis pas aussi cynique que vous. Je continue à croire en l'humanité et en la solidarité, malgré ce que j'ai vu dans les camps. Je voudrais être comme vous, croyez-moi. Je le voudrais de tout mon cœur. Le lendemain, les passagers du Saint-Louis ne débarquent pas, ni les jours suivants. Le gouvernement cubain refuse de les laisser entrer. Le bateau reste à quai dans une chaleur étouffante. Le commandant Schroeder se rend lui-même à la Havane pour lancer un appel personnel aux autorités. En vain. Puis c'est au tour de l'American Joint Committee, une association juive, d'ouvrir des négociations avec le gouvernement cubain. La presse internationale s'empare de l'affaire et demande aux États-Unis d'accueillir les réfugiés. Mais les élections ont lieu l'an prochain et Roosevelt, qui remet en jeu son mandat, est dans une position fragile. Le bilan de sa politique économique, le New Deal, est contesté et il n'a aucune envie de se mettre à dos une partie de l'opinion. C'est pourquoi il décide de fermer la porte aux encombrants passagers du Saint-Louis. La Havane, le 30 mai 1939. Quelle désolation. Hier, pour la première fois, j'ai éprouvé de la honte. Honte de ce monde où personne ne veut accueillir les Juifs. Beaucoup de passagers ont de la famille qui a déjà émigré à Cuba. Tous les jours, leurs proches rejoignent le bateau dans des petites embarcations. À peine quelques mètres les séparent. Ils se crient des choses, mais ne peuvent se toucher. Hier, il s'est passé une scène terrible. Un homme dans une barque cria à sa femme de lui lancer leur fils par-dessus bord. La femme pleurait parce qu'elle n'y arrivait pas. Elle avait peur qu'il se noie. Je donnerais tout pour pouvoir accoster clandestinement de nuit. Hélas, les garde-côtes sont partout avec des fusils mitrailleurs. J'ai dû installer une patrouille à bord pour empêcher les passagers de gagner la côte à la nage. Comment ne pas les comprendre ? La chaleur, l'attente, l'angoisse les rend fous. Et dire qu'il suffirait qu'un seul pays donne l'exemple. Mais personne ne fait rien. Aaron ! Oh, c'est horrible. Eva, mais qu'est-ce qui se passe ? Le bijoutier avec qui nous parlions hier, il s'est suicidé. Quoi ? J'étais sur le pont tout à l'heure, et puis j'ai entendu des cris. J'ai vu un homme courir, les gens criaient « Arrêtez-le !» Puis il est passé devant moi et je l'ai reconnu. Il avait du sang partout sur sa chemise. Il s'était tranché les veines. Puis il a enjambé la barrière et il a sauté par-dessus bord. Mon Dieu, c'était donc ça tous les bruits que j'ai entendus. Tout ce sang, c'était affreux. Allons voir ce qui se passe. Venez avec moi. Eva, restez là. Je vais aller aux nouvelles et je reviens. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Rien, mon chéri. Pourquoi les gens criaient tout à l'heure ? Il y a un monsieur qui s'est blessé, alors les gens ont eu peur. Il s'est fait mal ? Oui, il s'est fait mal. Tu sais, maman, on a un nouveau jeu avec Arthur et Ruben. Ah oui ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on se met devant la salle des machines, et il y en a un qui fait le juif, et les autres font les gardiens. Et les gardiens disent « Vous n'êtes pas autorisés à entrer ici !» Alors celui qui est juif doit tout faire pour rentrer quand même. Ethan, je t'ai dit de ne pas aller dans la salle des machines. Je n'y vais pas, maman, c'est pas moi qui joue le juif, je joue un des gardiens. Tu as bien raison, mon garçon. Il ne fait pas bon d'être juif par les temps qui courent. Qui êtes-vous, monsieur ? Mon nom est Otto Scheindig. Mes hommages, madame. Max est vivant. Il est vivant. C'est vrai ? Oui. Un marin a sauté dans l'eau et l'a remonté à bord. Le médecin lui a fait un bandage et l'hémorragie s'est arrêtée, je crois. Il a été transporté à l'hôpital de La Havane. Encore un qui a réussi à s'en tirer. Pardon ? Monsieur, à qui avons-nous l'honneur ? Otto Scheindig, fonctionnaire de la police allemande. Je suis bien placé pour savoir que vous, les Juifs, vous n'êtes jamais à court d'imagination pour sauver votre peau. Enfin, monsieur, un peu de pitié. Cet homme vient d'essayer de se suicider. Oh, il doit être aussi suicidaire que vous et moi. Très astucieux, le coup de l'hôpital. Demain matin, je parie que cette vermine aura disparu de sa chambre. C'est à cause de vous que des hommes et des femmes se suicident. Tous les jours. Ils ne supportent plus ce que vous leur faites endurer. Si seulement. Cela serait une solution plus rapide que l'émigration. Mais comment... Que faites-vous là, Herr Scheindig ? Capitaine, je m'entretenais quelques instants avec vos passagers que vous tenez en si grande estime. Nous parlons du juif qui vient de simuler un suicide ce matin. L'équipage s'en occupe. Merci de m'épargner vos commentaires. Un conseil, Schroeder. Assurez-vous que ce soit le dernier, compris ? Pas de suicide, pas de fausse couche, pas de malaise qui tienne. Je ne veux plus voir un seul passager débarquer à La Havane. Puis-je vous parler à part, Herr Scheindig ? Bien entendu. Pourquoi tenez-vous tant à ce que personne ne descende alors que demain vous ne serez plus à bord de ce bateau ? Je vois que vous êtes bien informé. Un marin m'a rapporté un objet à vous, que vous avez oublié sur le pont en revenant d'une de vos promenades en ville. Un objet ? Intéressant. Une canne. Ah oui, ici ils fabriquent de très belles cannes en osier, figurez-vous. Par curiosité, je l'ai examinée et j'ai vu qu'elle s'ouvrait. Il y avait des documents à l'intérieur. Ah oui. Vous n'êtes pas ici pour superviser la traversée. Votre installation à Cuba est prévue depuis 3 mois. Votre mission est de monter la population contre l'arrivée des Juifs. comme des dizaines d'agents du Reich. Allons, pourquoi nous donnerions-nous cette peine? Tout ce que nous voulons des Juifs, c'est qu'ils quittent l'Allemagne. Ce que vous voulez, c'est que le monde entier se détourne d'eux pour qu'Hitler ait le champ libre pour les persécuter. Entre nous, capitaine, mes collègues n'ont pas eu un grand travail de persuasion à faire. Les Cubains ont beau être de race inférieure, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que faire rentrer des Juifs sur leur sol serait un suicide. Je ne sais pas ce qui me retient de vous passer moi-même par-dessus bord. Sans doute l'illusion que vous pouvez encore être utile à vos passagers. Mais je ne manquerai pas de transmettre vos cas de conscience dans mon rapport. Adieu, capitaine. Le 31 mai 1939, les négociations internationales échouent. Le gouvernement canadien, dernier recours pour les passagers du Saint-Louis, refuse à son tour, en déclarant « Aucun pays ne peut ouvrir ses portes pour recevoir tous les Juifs d'Europe ». Le président cubain ordonne au capitaine Schroeder de quitter les eaux territoriales. Le 2 juin 1939, à 11h du matin, le Saint-Louis quitte le port de la Havane. Que de désespoir aujourd'hui. Tous les passagers, sans exception, étaient sur le pont et regardaient s'éloigner leur rêve d'avenir. Toute la journée, ils sont venus me demander « Capitaine, où nous emmenez-vous ?» Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pu répondre à cette question. Je n'arrive pas à oublier ce que m'a dit un passager. C'était un vieil homme avec une voix très douce. Il m'a regardé dans les yeux et m'a déclaré « Capitaine, si vous revenez en Allemagne, à l'arrivée, vous trouverez probablement une centaine de cabines vides, car nous craignons plus les camps de concentration que la mort. » Ces paroles m'ont glacé. Depuis, je fais inspecter les cabines 2 fois par jour. Mais à quoi bon? S'ils veulent mourir, ils peuvent toujours sauter à l'eau la nuit. Il n'y a que quelques marins de garde. C'est terrible. J'ai l'impression d'escorter ces hommes et ces femmes vers la mort. Je ne peux pas les ramener en Allemagne. C'est impossible. Mais où aller? Capitaine, pardonnez-nous de vous déranger en pleine nuit, mais ce qui se passe est de la plus haute importance. Entrez. De quoi s'agit-il? Voilà. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et mon petit garçon Ethan n'était pas dans notre cabine. Je suis allée le chercher sur le pont, folle d'inquiétude. Je l'ai retrouvé et je l'ai grondé. Avec ses camarades, ils avaient voulu jouer dans la salle des machines. Je lui ai pourtant formellement interdit d'y aller, mais vous savez comme sont les enfants. Il m'a alors dit qu'il n'était pas rentré car il y avait des gens à l'intérieur. J'ai laissé Ethan dans la cabine et je suis allée voir ce qui se passait. J'ai collé l'oreille à la porte et j'ai écouté. Il y avait au moins une dizaine de personnes. Au début, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, puis au fur et à mesure, c'est devenu clair. C'est un comité de sabotage. De sabotage? Oui. Un groupe de passagers veulent lancer l'assaut et vous garder prisonnier, vous et l'équipage. Garder prisonnier? Mais pourquoi? Mais ils sont prêts à tout pour ne pas retourner en Allemagne. Ils veulent revenir en arrière et se diriger vers l'Amérique latine. Ils sont fous. Tant que nous n'avons pas d'autorisation, nous ne pouvons accoster nulle part. Nous sommes facilement repérables. À peine entrerons-nous dans les eaux territoriales que des gardes-côtes encercleront le bateau pour empêcher le débarquement. Faut savoir naviguer. Je sais, mais la panique leur fait perdre la tête. Ils pensent qu'ils n'ont plus rien à perdre, car ils vont mourir de toute façon. Bon, je vais leur parler. Les convaincre qu'une mutinerie ne servirait à rien. Alors c'était donc ça? Nous allons retourner en Allemagne? J'ai une idée. Et pour l'instant, je n'en ai encore parlé à personne, pas même à mon lieutenant. Pouvez-vous me jurer de garder le secret? Nous vous le jurons, capitaine. Cela ne sortira pas d'ici. D'ici 3 jours, nous atteindrons la mer du Nord. De là, il sera facile de gagner les côtes anglaises. Mais vous venez de dire que personne ne veut nous laisser débarquer? C'est bien pour ça que nous ne débarquerons pas. Mon intention est de mettre le feu au bateau à 50 mètres des côtes. Hein? Les conventions internationales obligeront les Anglais à nous porter secours. Mettre le feu à votre propre navire? Et croyez-moi, la nuit, je ne dors pas plus que vous. Comme vous, j'ai retourné la question dans tous les sens. C'est la seule solution. Et si les Anglais ne viennent pas à notre secours? Ils viendront. Dans le code de la marine, aucun marin ne peut abandonner un navire en détresse. Et si jamais ils ne réagissaient pas, il y a suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers. La mer est calme. À 50 mètres, il sera très facile de gagner la rive. Et si ça ne marche pas? Nous allons tous mourir asphyxiés ou noyés? Il faut faire confiance au capitaine, Eva. C'est facile à dire, Aaron. Votre famille est en sécurité. Moi, j'ai mon petit garçon avec moi. Je ne veux pas qu'il meure. Vous savez, alors qu'il est, ma famille a peut-être été arrêtée par les nazis. Sous ce régime, aucun juif n'est plus en sécurité. Je vais tâcher de savoir qui a organisé ce comité et j'irai leur parler demain. Merci de m'avoir prévenu. Rentrez dans vos cabines. Allez vous coucher. Merci, capitaine. Le lendemain, le capitaine Schroeder parvient à rallier les mutins de son côté en leur annonçant son plan. Mais le 14 juin 1939, alors que le Saint-Louis se rapproche des côtes anglaises, le capitaine Schroeder reçoit un télégramme l'informant que la Belgique, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la France acceptent finalement d'accueillir les passagers du Saint-Louis. L'heureuse nouvelle est le résultat des efforts acharnés de l'American Joint Committee, qui a demandé à chacun des quatre pays d'accueillir un petit nombre de réfugiés, en affirmant que les trois autres en avaient accepté beaucoup plus. La ruse a fonctionné. Ce jour-là, à bord du Saint-Louis, le désespoir fait place à une explosion de joie. Le soir même, a lieu une grande fête dansante en tenue de soirée. Quelques passagers montent même un spectacle. « Sauvés, nous sommes sauvés », répètent inlassablement les passagers. Le lendemain, sur le pont du bateau... À quoi pensez-vous, ma chère? Je n'ai toujours pas choisi notre pays d'accueil. Je n'arrive pas à me décider. Et vous n'avez pas encore rendu le document? Dépêchez-vous. Nous sommes censés arriver à Anvers après-demain. Ethan veut aller en Angleterre, mais moi j'aime tellement la France. Ah. Ma mère était modiste. Elle faisait toujours venir des chapeaux de Paris. Croyez-moi, pour une fois, c'est à vous d'écouter Ethan. Partez en Angleterre. Mieux vaut mettre la manche entre les nazis et nous. Vous croyez? J'en suis sûr. Les trois quarts des passagers ont d'ailleurs demandé l'Angleterre. Malheureusement, il y a des quotas. Ils vont devoir faire un tirage au sort. Je vais vous écouter, Aaron. Les dernières semaines ont été tellement éprouvantes. J'ai du mal à décider de l'avenir. Ne vous inquiétez pas. Dès que le cauchemar sera fini, vous retrouverez votre force et votre optimisme, ma chère Eva. La fin du cauchemar. J'y croirai quand je serai sur la terre ferme. Aaron, je voulais vous remercier. Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais traversé cette épreuve. Mais je vous en prie. Eva, moi aussi, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire que, malgré tous les moments affreux par lesquels nous sommes passés, notre rencontre aura été la joie de cette traversée. Vous m'écrirez, Aaron? J'ai hâte d'apprendre que votre femme et vos filles ont pu vous rejoindre et que vous êtes tous en lieu sûr. Promettez-moi de me donner de vos nouvelles. Je vous écrirai moins que je ne le voudrais, mais je vous écrirai. Bon, je vais rentrer dans ma cabine. Au revoir, Eva. Au revoir, Aaron. Anvers, le 17 juin 1939. Quelle joie d'être enfin dans un pays qui nous accueille. L'honneur de l'Europe est sauvé. C'est la preuve que les nazis ont en face d'eux des peuples qui résistent. Ce matin, 214 passagers ont débarqué. Dans deux jours, 224 seront accueillis en France, puis 181 en Hollande et 228 en Angleterre. Les premiers adieux des passagers m'ont bouleversé. Un couple m'a serré dans ses bras pendant plusieurs minutes. La femme pleurait en disant « Merci ». Merci. C'était comme si je les avais sauvés. Malheureusement, moi, je n'ai rien fait. Mais une femme m'a dit « Capitaine, vous nous avez traités comme des princes en exil. » Tant mieux si j'ai pu leur apporter une forme de réconfort. Tant mieux, surtout, qu'ils aient trouvé un refuge loin de la folie d'Hitler. Quoi que la vie me réserve, jamais je n'oublierai cette traversée. L'errance des passagers juifs du Saint-Louis de Marjorie Philibert avec le capitaine Schroeder, Alain Langlais de la Comédie Française, Aaron Posner, Emmanuel Suarez, Eva Silbermann, Flora Brunier, Ethan Silbermann, Pauline Ziadé, Max Leveux, Aurélien Ozinski, Otto Scheindick, Vincent Nemeth, un membre de l'équipage, Julien Marclant et la voix de Margot Bonin. Bruitage Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier et Sébastien Royer. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur les passagers juifs du Saint-Louis avec mon invitée Catherine Nicot. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. This dream I'm dreaming, won't you wake me up tonight? 'Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream. For Dreaming, Patrick Watson sur France Inter, Autant n'emporte l'histoire. L'émission est réalisée par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Philippe Duclos. Catherine Nicot, est-ce qu'on peut dire que cet incroyable périple donc du Saint-Louis en 1939, arrivé si près des côtes américaines, mais obligé de retourner en Europe, est-il le symbole à la fois de la terreur nazie, mais en même temps de la lâcheté internationale? Oui, d'une certaine hypocrisie des démocraties. C'est sûr. D'ailleurs, Hitler s'est pas gêné pour le dire et le clamer. Cette proximité, effectivement, le capitaine a croisé entre Cuba et la Floride, et on a le témoignage d'un petit garçon qui est revenu en France après, mais qui a réussi à devenir américain et qui voulait absolument terminer sa vie en Floride, parce qu'il se rappelait des hôtels, des voitures sur l'espèce d'avenue qui longeait la côte. Quelle souffrance a dû être pour ces passagers de voir si près une les côtes américaines. Une frustration terrible, bien sûr. Comment expliquer que Cuba, d'abord, et les États-Unis, en même temps, qui avaient délivré des visas à ces passagers juifs, quand même, ils avaient payé cher, $500 chacun, leur est finalement interdit de débarquer et d'immigrer? Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? En fait, c'est Cuba qui a interdit, pour des raisons internes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre tout de suite. En revanche, pour les États-Unis, effectivement, une très grande partie des passagers qui devaient débarquer d'abord à Cuba avaient un numéro de quota qui leur permettait, dans le futur, d'entrer aux États-Unis. Mais il y avait une procédure de tirage au sort. Et donc, on ne pouvait pas savoir combien de temps on resterait dans le pays de transit. Oui. Et donc, les États-Unis ont estimé qu'ils attendraient tout simplement qu'on tire leur numéro, qu'il n'y avait pas de mesures exceptionnelles à faire en cette occasion. Voilà. D'accord, donc c'est Cuba qui... qu'il y avait une campagne antisémite aussi qui a été menée à Cuba, favorisée par les nazis. C'est vrai. En fait, l'Amérique latine en général, et Cuba entre autres, ne connaissaient pas l'antisémitisme avant les années 30. Et tout d'un coup, effectivement, on assiste, si on prend la scène de Cuba, à un surgissement de manifestations antisémites, de presse antisémite. Cuba avait même un parti nazi propre, tout petit bien sûr, et on sait que les autorités du Reich n'étaient pas étrangères tout à fait du tout à ces sentiments, puisqu'il y avait des officines officieuses en Allemagne qui étaient chargées de faire une propagande antisémite pour dégoûter le monde en quelque sorte des juifs. Comment expliquer donc cette fermeture de manière internationale à l'égard des juifs? Donc il y a eu la conférence d'Évian en 1938, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Catherine Nicot. Malgré tout, il y avait une volonté internationale de trouver des solutions. En réalité, il n'y a pas vraiment de solutions qui ont été trouvées au niveau international. C'est bon, on a dit c'est un mouvement, il y avait un flux de réfugiés depuis 10 ans et plus dans un contexte de crise, il faut quand même s'en rendre compte, et donc c'était assez facile de soulever les opinions publiques en leur disant on va prendre votre travail. Et cette levée de bouclier, c'est que chacun estimait, enfin l'Europe, les pays d'Europe, la France par exemple, a accueilli beaucoup de réfugiés depuis 1933. Et ils ont le sentiment que c'est le mot qui revient très souvent dans les papiers officiels, que le pays est saturé, qu'il faut arrêter là, sachant d'ailleurs que la France se doutait bien qu'il y aurait quand même des entrées illégales, n'est-ce pas? Donc, et puis c'est le cas, justement la conférence d'Évian, au lieu d'être un lieu où chacun vraiment cherche des solutions ensemble, c'est plutôt une tribune, ça a servi de tribune pour dire barrage complet, et même ça a généré un durcissement en réalité, puisqu'il a fallu l'exprimer, vous comprenez? Et les États-Unis, c'était en juillet 38, et les États-Unis qui sont à l'origine de la convocation de la conférence, Roosevelt, leur président notamment, en fait, n'avaient aucune intention d'assouplir les quotas, de prendre des mesures pour des quotas exceptionnels, et ils n'avaient pas grande illusion sur le fait qu'on trouve des refuges. Comment expliquer cette fermeture des États-Unis, du Canada, qui sont quand même des grands pays? Il y a cette idée que, d'abord, économiquement, c'est pas absorbable, et puis il y a des mouvements d'une sorte, si vous voulez, de nationalisme hostile, xénophobe, qui se développent partout. Cela dit, les États-Unis continuaient d'avoir un courant d'immigration extrêmement contrôlé, mais un pays comme le Canada, c'était pas un. Et ça a été encore pire après 40. Je vous propose, Catherine Nicot, d'écouter un extrait d'un discours tenu le 26 avril 1939 par Léon Blum en faveur de l'accueil des réfugiés juifs d'Europe centrale. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, et éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, quelle qu'elle soit, l'incendie ou l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants qui fuient à travers champs demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible. Mais quand il frappe à votre porte, vous l'ouvrez. Et vous leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, ni leur certificat de vaccine. Il y a là un devoir d'humanité élémentaire. Je dirais presque, si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble, d'humanité animale. Naturellement, ils ne pourront pas rester toujours là, c'est entendu. En attendant, qu'eux-mêmes, ailleurs, trouvent un gîte plus sûr et plus durable. Comment allez-vous leur refuser l'asile? Donc c'est un son qui n'est pas toujours très audible, mais malgré tout on sent bien dans ce discours de Léon Blum, donc prononcé en avril 39, une grande émotion, il n'est pas au pouvoir, et on sent bien cette impuissance aussi dans ce discours. Il y a un appel à l'humanité élémentaire, il y a une grande émotion, mais on sent C'est vrai, l'émotion est là, c'était indéniable, et je suis sûre qu'elle est tout à fait sincère. Néanmoins, il faut quand même remarquer que les gouvernements de Front Populaire en 36-39 ont été, je dirais, plus accommodants avec les réfugiés déjà sur place, mais n'ont pas ouvert non plus le pays. Et il faut aussi rappeler, dans le cas de la France, que depuis février 39, 500 000 réfugiés espagnols sont arrivés, dont on ne savait trop que faire. C'est l'origine des premiers camps qui vont être ensuite remplis par des juifs étrangers. 500 000, c'est pas rien, hein, de réfugiés espagnols. Alors, ils sont pas tous restés, évidemment, mais on est dans un contexte où vraiment tout le monde a l'impression que les réfugiés pleuvent de partout et que on peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Pour reprendre la parole. Tout cela a beaucoup de résonance avec l'actualité. Quelle leçon Hitler va-t-il tirer, donc, de la passivité des démocraties? On est aussi dans la période où montent les périls, hein. Alors il est dans ce sentiment double, comme vous avez évoqué au départ, c'est-à-dire il était intéressé par la conférence d'Évian, par exemple. Ils ont pensé que peut-être ça serait un moyen de faire partir les Juifs, de remplir leurs caisses par la même occasion, etc. Et puis ils ont été déçus, mais en même temps ravis quelque part de constater que les Juifs, il n'y a pas qu'eux qui n'en veulent pas, les autres non plus. Et de leur envoyer ça à la figure et de dénoncer leur hypocrisie, voyez. En même temps, la conférence d'Évian a abouti à un résultat qui était le seul auquel Roosevelt aspirait, c'était la création d'un comité intergouvernemental des réfugiés qui était chargé de trouver des refuges et de négocier surtout avec le Reich la possibilité pour les Juifs partant d'Allemagne de partir avec un peu de moyens, voyez. Ça n'a pas abouti. Pour les passagers du Saint-Louis, l'issue a été finalement heureuse, mais ce n'est qu'un répit en réalité. En septembre 39, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. L'année suivante, la Belgique, les Pays-Bas, la France sont occupés par les Allemands et les Juifs dans ces pays vont être à leur tour persécutés puis déportés. Est-ce qu'on a une idée, Catherine Nicot, de ce que sont devenus les passagers juifs du Saint-Louis qui avaient pu débarquer en Europe? Oui, on a une idée assez précise. Les chiffres varient beaucoup d'un auteur à l'autre. Il faut prendre ça comme une estimation. En gros, les quatre pays d'accueil ont accueilli l'Angleterre, je crois, j'ai trouvé des chiffres allant jusqu'à 288 passagers du Saint-Louis, la France et la Belgique à peu près 200 et quelques, et les Pays-Bas qui étaient très réticents, un peu moins que 200. Alors évidemment, le sort de ces malheureux a dépendu du lieu d'accueil. Ceux qui ont été en Angleterre n'ont pas eu de soucis, sauf ceux d'être bombardés, etc. Mais les autres, ils ont été pourchassés en tant que juifs étrangers dans tous les pays occupés par l'Allemagne. On sait que à peu près 270 de ceux, donc des 600 ou 700 qui se trouvaient dans les pays occupés, ont été déportés à Auschwitz ou Sobibor, pour quelques-uns. Et donc, ont disparu. Voilà. Il faut rappeler qu'il y avait, parmi ces 987 passagers juifs, il y avait à peu près 200 enfants. 200 enfants, 300 femmes, 400 hommes. Avant de terminer, Catherine Nicot, je voudrais quand même parler un tout petit peu de Gustav Schröder, ce capitaine du Saint-Louis, un homme remarquable qui a fait le maximum qu'il pouvait. C'est un homme remarquable, dont les mérites d'ailleurs ont été reconnus tardivement. Il est mort en 1959. En 1957, il a eu une médaille du mérite allemande. Et il a été reconnu juste parmi les nations par Yad Vashem en 93. Il faut du temps. Parce que, en fait, c'est normalement des sauvetages pendant la guerre. Donc, ils ont beaucoup hésité parce que c'était avant la guerre. Voyez. Voilà. Mais ce projet d'échouage en Angleterre, pour un capitaine, c'est lui arracher le cœur. Oui, puis il aurait pu être arrêté s'il avait été... Il a plus beaucoup navigué après. Il a été employé dans un emploi de bureau dans la compagnie APAG, auquel il appartenait. Mais il n'a pas été inquiété par la Gestapo. Merci beaucoup Catherine Nicot. Je signale un article que vous avez écrit qui est disponible sur internet, très intéressant, L'abandon des Juifs avant la Shoah et la conférence des Vian de 1938, et quelques livres, Exil impossible, L'errance des Juifs du paquebot Saint-Louis de Diana Fumado, publié chez L'Harmattan, et L'Odyssée de la peur de Bernard Benyamin, édité chez First Edition. Autant en emporte l'histoire, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, je vous raconterai une histoire rocambolesque survenue en 1911. Le 21 août, la Joconde, le joyau du Louvre, a été volée. La police met rapidement la main sur le coupable, du moins le croit-elle, un certain Guillaume Apollinaire. Une mésaventure qui conduira le poète 5 jours en prison. Guillaume Apollinaire a volé la Joconde, c'est dimanche prochain dans Autant n'importe l'histoire.